Ah, Aglaé, tu me promets d'être constante, et tu veux qu'au pied des autels nous formions des nœuds solennels. Aglaé, ta flamme est prudente. Eh bien, d'un éternel amour, je fais le serment redoutable, si tu veux jurer à ton tour d'être à mes yeux toujours aimable.